Chapitre 2. Astuce ou timidité. Pouvant la voir tous les jours à la criée s'il voulait, il ne revint pas comme elle s'y attendait. Le front barré de sa Clémence angoissa le mari. Faudrait voir ce que la médecine en dirait. Si demain tu n'es pas mieux, j'irons chez le docteur qui nous a déjà gouvernés dans le temps. Mais ce demain fut le jour où le Villers-Villers reparut dans la poissonnerie. En lui parlant, la Pirane entendit trembler sa propre voix, cette voix un peu basse, mais harmonieuse comme celle de toutes les Normandes, et dont on savait qu'elle disait les choses toutes crutes. Le garçon, encore un coup, ne s'occupa que du poisson. Mais le regard était toujours là. Malgré son envie de lui, la Pirane ne pouvait commencer la première. À leur troisième rencontre, elle sentit, parmi l'amas froid d'un lot d'oreilles qu'ils remuaient ensemble, la chaleur d'une main qui tout à coup saisissait la sienne. Elle répondit au signe éloquent. Tout aussitôt. « Dites voir, ma Piran, où je pourrais vous trouver seule. » Elle sentit qu'il la jugeait facile. Elle l'était pour lui, pas pour les autres. Le peuple est souvent elliptique comme ses vieilles chansons. Elle supprima les paroles intermédiaires et dit « Vous n'êtes pas d'ici, mais vous pouvez vous informer si je suis envolée ou non. » Le ton était fier, il la crut froissée et ne revint pas de 4 jours. L'amour les travaillait, chacun de son côté. Ce fut le garçon tout de même qui brusqua les choses. Peut-être s'était-il en effet informé. Il entra dans la halle des criées avec des yeux moins catégoriques, s'approcha d'un pas et murmura. « Je desserre plus les dents depuis que je vous connais. Faut pas m'en vouloir de ça. C'est-y ma faute si vous êtes raide belle. Je vous épouserais, moi, si vous n'étiez pas déjà mariée du Gapiran. » Les convenances ainsi ménagées. « Et moi, siffla-t-elle entre ses mâchoires magnifiques, pensez-vous que je ne vous épouserais pas si c'était possible ?» Il releva le nez, ne pouvant y croire. On lui avait dit comme elle se moquait de ses amoureux. Il vit sur son visage la marque animale et divine du désir, devant laquelle les paroles deviennent inutiles. Ils s'échangèrent un regard ivre. Observés par les commères, ils se séparèrent à l'instant même. Pour donner le change, la Pirane, à la cantonade, cria dans le dos du matelot. « Vous avez vu ce grand gingin avec sa goule de baie jaune ?» Les bonnes femmes remarquèrent, habituées aux façons de leur Clémence. « Le pauvre jeune homme, si s'y frotte encore, elle va déjurer comme un diantre. » Après ces clandestines et tacites fiançailles, il restait à consommer le péché mutuellement consenti. Là, d'insurmontables obstacles. Quand le mari prenait la nuit de mer, le matelot du vigoureux la prenait aussi sous les ordres de son patron. Au grand jour, il était inutile de chercher à se rejoindre. Toute la ville eût été, le soir même, informée du rendez-vous. « Leur bourdon, ça ne me nuit point, » se disait Clémence. « Mais c'est Jean Piran dans tout ça qui me fait frayeur. » Pour éviter même les soupçons, car il était homme à faire un malheur, elle redevint, avec des efforts de héros, avenante comme par le passé. Pendant qu'elle lui souriait à table ou le subissait de nuit, sa tête tournait et retournait des idées. La seule chose possible, Marie Chausselin quitterait le vigoureux et se ferait portefaix dans le port, homme de peine à bord des charbonniers, n'importe quoi lui laissant sa liberté nocturne. Alors, au marais de nuit, il glisserait dans la maison, grimperait au besoin par la gluante fenêtre. L'homme à sa pêche, l'amant dans le lit, grand danger certainement. Mais l'amour et le risque s'accordent bien, et la Pirane n'avait pas froid à l'œil, comme elle s'en vantait elle-même. Par bribes de mots, elle mettait son matelot au courant tous les matins, avec l'air de parler de la crevette ou des limandes. D'autres hommes l'abordaient, bravant ses bourrades et ses quolibets. Elle prenait grand soin de ne rien changer à ses manèges habituels avec eux, faisant mine de se gausser aussi de Marie Chausselin, et les fines gaillardes de la poissonnerie, auxquelles rien n'échappe d'ordinaire, ne devinaient pas, pour une fois, et dans ses moindres nuances, le secret qu'on voulait leur cacher. Avant de parvenir sans faire d'éclat au changement de métier qui s'imposait pour Marie, il fallait attendre une occasion, ou la faire naître à propos. Ce serait une dispute à bord du vigoureux, un ordre qu'il refuserait d'exécuter, même une insolence qui le mettrait dans son tort. Mais son patron était justement pacifique et doux, et les querelles malaisées à susciter. Dans son impatience de la faute, la femme trouva bientôt. « J'ai quelqu'un de ma parenté, un cousin frérot de mon père, qu'est Goujard à la ferme de la Branche Belle. Je dirais comme ça que le bonhomme est venu l'autre jour matin pour me parler de défunt mes parents, et que ça fait deuil de ne plus voir personne de la famille. J'attendrai la basse-mère de jeudi après-midi, car je sais que mon homme veut raccommoder ses filets ce jour-là. Je partirai toute seule pour la Branche Belle au quart moins de 2 heures. À 3 heures, je reviendrai. Ma visite au vieux ne sera point longue. Vous savez bien où que c'est. On se retrouvera dans le fin mi-temps de la route, et les bois de l'alentour sont grands quand on veut s'y mûcher. » C'est ainsi que leur coupable et furieuse nuit de noces eut lieu dans le soleil d'un beau jour de printemps, lit de mousse, alcôve de branches, senteur verte, frôlement d'insectes, bien loin de leur quotidien à odeur de poisson. Revenue le soir au logis avec du violet sous les yeux, la Pirane, en même temps que tous les mensonges qu'elle raconta, rapportait de sa promenade cette sorte de joie âpre que donne la conscience insatisfaite. « Pendant que tu bavolais en campagne, gai comme une hirondelle, » dit Jean Pirant, « les filets ont raccommodé. »« Tant mieux, » répondit-elle joyeusement. « Il y a tant de choses déchirées qui ne se raccommodent jamais. » Mais il ne sut pas qu'avec ces quelques mots rieurs par-dessus l'épaule, c'était l'annonce même de son infortune qu'elle lui jetait à la figure. Marie Chausselin eut sa querelle et devint débardeur sur les quais. À la première nuit de marée, il pénétra ténébreusement dans le logis de Jean Pirant et lui vola pour la seconde fois sa femme. L'audace, l'amour, l'obscurité, tout s'en mêlait. Le lit conjugal valait mieux que les creux de mousse et le soleil dans les yeux. L'assurance de recommencer ses heures de folie, chaque fois que le permettrait la mère, multipliait leur joie adultère. En rentrant à l'aurore, le mari trahi, secouant ses boucles d'oreilles, souriait dans sa barbe en collier de voir Clémence dormir si dur, un peu pâle entre ses sombres cheveux défaits. Elle fit celle qui ne s'éveille même pas. Outre l'horreur de l'étreinte légitime après sa bouleversante nuit infidèle, elle avait la peur animale que son mari ne sentît sur elle, comme disent les paysans à propos des bêtes, le goût de l'autre mâle. Elle attendit qu'il se fût profondément endormi pour se lever. Alors elle s'habilla sans bruit et commença sa journée laborieuse. Parmi les autres poissardes, elle sut se forcer pour garder son entrain ordinaire, et quand son amant entra, comme chaque matin, venant reprendre ses paniers, elle tourna le dos, très occupée derrière son étal, car il lui était impossible de supporter ses yeux sans montrer dans les siens ce qui s'était passé si peu d'heures auparavant entre eux. Elle devenait tous les jours plus belle, plus tentante encore pour ses soupirants. Ses ironies se firent plus mordantes, ses rebuffades plus diaboliques que jamais. Personne ne devinait pourquoi ses yeux étaient si grands, sa bouche si pourpre, ses hanches si voluptueuses. Inassouvie entre ses rendez-vous difficiles, elle respirait l'amour, la jeunesse, la sensualité. Sans se douter de ce que ses empêchements conféraient de durer à sa passion, elle maudissait tout ce qui la séparait de l'homme choisi par son instinct incontrôlable. Être seule avec lui, cette idée fixe la harassait comme un mal. Elle prit l'habitude d'aller une ou deux fois par mois voir son oncle, auquel elle apportait un panier de poissons. Le vieux était tout heureux de cette affection. Il ne se doutait guère du rôle qu'on lui faisait jouer. Tout ça ne suffisait pas à la fringale de la fille. Elle en voulait à son mari, au mariage, au matelot lui-même, qui ne savait pas conjurer tout ce qui les éloignait l'un de l'autre. Mais dans les bois où ils se retrouvaient, mais les nuits où la marée les favorisait, ruée à son plaisir, elle goûtait avec une violence accrue par les jours de contrainte, avec une témérité de plus en plus imprudente, ce qu'on a depuis si longtemps et justement nommé « le bonheur dans le crime ».